Allô? Allô? Allô? Il m'entend pas. Ah, ça y est, je t'entends. Ah, tu m'entends? Tu m'entends? Tu m'entends? Allô? Allô? Allô? Oui, oui. Oui, moi je t'entends. Et tu m'entends? Oui. Moi je t'entends, hein. Mais toi tu m'entends plus. Si, ben bah, si, parce que tu parles plus, mais sinon je t'entendais. Mais j'entends quand tu tapes au clavier, donc. Oui, oui, voilà. Ah bah, ouais, mais le souci, j'ai l'impression qu'il y a une latence de malade parce qu'on rappelle. Mais ah, attends. Ouais. Si? Ouais, mais ça, je pense que c'est un problème de config. Ah, attends. Je tape plus. Parce que. Ah, attends. Oui, mais c'est. Attends, je vais dire un mot. Je vais dire musique et tu vas me dire quand tu l'entends, ok? Ouais. Musique. Maintenant. Truc de fou. Oui, mais franchement, tout à l'heure, ça marchait, il n'y avait pas de latence. Hein. En plus, là, je t'entends de loin, du coup, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu entends le piano? Non. Non, je n'entends pas.